La cité de Dieu de saint Augustin, livre 13e, de la mort. Tome 3e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 23. Ce qu'il faut entendre par le corps animal et par le corps spirituel, et ce que c'est que mourir en Adam et être vivifié en Jésus-Christ. De même que nous appelons corps animaux ceux qui ont une âme vivante, ainsi on nomme corps spirituel ceux qui ont un esprit vivifiant. Dieu nous garde toutefois de croire que ces corps glorieux deviennent des esprits. Il garde la nature du corps, sans en avoir la pesanteur ni la corruption. L'homme alors ne sera pas terrestre, mais céleste. Non que le corps qui a été tiré de la terre cesse d'être, mais parce que Dieu le rendra capable de demeurer dans le ciel, en ne changeant pas sa nature, mais ses qualités. Or, le premier homme, qui était terrestre est formé de la terre, 1 Corinthiens 15, 47, a été créé avec une âme vivante et non avec un esprit vivifiant, qui lui était réservé comme prix de son obéissance. C'est pourquoi il avait besoin de boire et de manger pour se garantir de la faim et de la soif, et il n'était pas immortel par sa nature, mais seulement par le moyen de l'arbre de vie qui le défendait de la vieillesse et de la mort. Il ne faut donc point douter que son corps ne fût animal et non spirituel, et cependant, il ne serait point mort, s'il n'eût encouru par son péché l'effet des menaces divines, condamné dès ce moment à disputer au temps et à la vieillesse, à l'aide des aliments dont la bonté de Dieu lui a continué le secours, une vie que son obéissance aurait pu prolonger à jamais. Alors donc que nous entendrions aussi de cette mort sensible qui sépare l'âme d'avec le corps ce que Dieu dit aux premiers hommes, « Du jour que vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. » Genèse 2, 17. On ne devrait point trouver étrange que cette séparation de l'âme et du corps ne se fût pas faite dès le jour même qu'ils mangèrent du fruit défendu. Dès ce jour, en effet, leur nature fut corrompue, et, par une séparation très juste de l'arbre de vie, ils tombèrent dans la nécessité de mourir, avec laquelle nous naissons tous. Aussi, l'apôtre ne dit pas que le corps mourra, mais qu'il est mort à cause du péché, et que l'esprit est vivant à cause de la justice. Et il ajoute, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels, parce que son esprit habitera en vous. » Romains 8, 10, 11. Ainsi donc le corps, qui n'a maintenant qu'une âme vivante, recevra alors un esprit vivifiant. Mais, quoiqu'il ait une âme vivante, l'apôtre ne laisse pas de dire qu'il est mort, parce qu'il est soumis à la nécessité de mourir, au lieu que dans le paradis terrestre, quoiqu'il eût une âme vivante sans avoir encore un esprit vivifiant, on ne pouvait pas dire qu'il fut mort, parce qu'il n'avait point péché et qu'il n'était pas encore sujet à la mort. Or, Dieu ayant marqué la mort de l'âme, qui a lieu lorsqu'il la quitte, en disant, « Adam, où es-tu ? » et celle du corps, qui arrive quand l'âme l'abandonne, en disant encore, « Vous êtes terre, et vous retournerez en terre, Genèse 3, 9, 19, il faut croire qu'il n'a rien dit de la seconde mort, parce qu'il a voulu qu'elle fût cachée dans l'Ancien Testament, la réservant pour le Nouveau, où elle est ouvertement déclarée, afin de faire voir que cette première mort, qui est commune à tous, vient du premier péché, qui d'un seul homme s'est communiqué à tous. Quant à la seconde mort, elle n'est pas commune à tous, à cause de ceux que Dieu a connus et prédestinés de toute éternité, comme dit l'apôtre, pour être conforme à l'image de son Fils, afin, qu'il fut l'aîné de plusieurs frères, Romains 8, 28, 29. Cela, en effet, la grâce du médiateur les en a délivrés. Voici comment l'apôtre témoigne que le premier homme a été créé dans un corps animal. Voulant distinguer notre corps, qui est maintenant animal, de ce même corps qui sera spirituel dans la résurrection, il dit « Le corps est semé plein de corruption, et il ressuscitera incorruptible. Il est semé avec ignominie, et il ressuscitera glorieux. Il est semé dans la faiblesse, et il ressuscitera dans la vigueur. Il est semé corps animal, et il ressuscitera corps spirituel. » Et pour montrer ce que c'est qu'un corps animal, il est écrit, ajoute-t-il, que le premier homme a été créé avec une âme vivante. L'apôtre veut donc qu'on entende par ces paroles de l'Écriture, le premier homme a été créé avec une âme vivante, Genèse 2, 7, qu'il a été créé avec un corps animal, et il montre ce qu'il faut entendre par un corps spirituel, quand il ajoute « Mais le second Adam a été rempli d'un esprit vivifiant, par où il marque Jésus-Christ, qui est ressuscité d'une telle manière qu'il ne peut plus mourir. » Il poursuit et dit « Mais ce n'est pas le corps spirituel qui a été formé le premier, c'est le corps animal, et ensuite le spirituel, par où il montre encore plus clairement qu'il a entendu le corps animal dans ses paroles. Le premier homme a été créé avec une âme vivante, et le spirituel, quand il a dit, le second Adam a été rempli d'un esprit vivifiant. Le corps animal est le premier, tel que l'a eu le premier Adam, tel que nous l'avons depuis que la nature corrompue par le péché nous a soumis à la nécessité de mourir, tel que Jésus-Christ même a voulu l'avoir d'abord. Mais après vient le spirituel, tel qu'il est déjà dans Jésus-Christ comme dans notre chef et tel qu'il sera dans ses membres lors de la dernière résurrection des morts. L'apôtre signale ensuite une notable différence entre ces deux hommes, lorsqu'il dit « Le premier homme est terrestre et formé de la terre, et le second est céleste et descendu du ciel. » Comme le premier homme a été terrestre, ses enfants aussi sont terrestres, et comme le second homme est céleste, ses enfants aussi sont célestes. De même donc que nous portons l'image de l'homme terrestre, portons aussi l'image de l'homme céleste. 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Ce que dit ici l'apôtre commence maintenant en nous par le sacrement de la régénération, ainsi qu'il le témoigne ailleurs par ses paroles. Tous, tant que vous êtes, qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous vous êtes revêtus de Jésus-Christ, Galates 3, 27. Mais la chose ne s'accomplira entièrement que lorsque ce qu'il y a d'animal en nous par la naissance sera devenu spirituel par la résurrection. Car, pour me servir encore des paroles de saint Paul, nous sommes sauvés par l'espérance. Romains 8, 24. Or, nous portons l'image de l'homme terrestre à cause de la désobéissance et de la mort qui sont passées en nous par la génération, et nous portons celle de l'homme céleste à cause du pardon et de la vie que nous recevons dans la régénération par le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, 5, qui est cet homme céleste dont veut parler saint Paul, parce qu'il est venu du ciel pour se revêtir d'un corps mortel et le revêtir lui-même d'immortalité. S'il appelle aussi les enfants du Christ céleste, c'est qu'ils deviennent ses membres par sa grâce pour faire ensemble un même Christ. Il déclare encore ceci plus expressément dans la même épître, quand il dit « La mort est venue par un homme, et la résurrection doit aussi venir par un homme, car comme tous meurent en Adam, ainsi tous revivent en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 21, 27, c'est-à-dire dans un corps spirituel qui sera animé d'un esprit vivifiant. Ce n'est pas toutefois que tous ceux qui meurent en Adam doivent devenir membres de Jésus-Christ, puisqu'il y en aura beaucoup plus qui seront punis pour toute l'éternité de la seconde mort. Mais l'apôtre se sert du terme général de tous, pour montrer que comme personne ne meurt qu'en Adam dans ce corps animal, personne ne ressuscitera qu'en Jésus-Christ avec un corps spirituel. Il ne faut donc pas s'imaginer que nous devions avoir à la résurrection un corps semblable à celui du premier homme avant le péché. Alors même, le sien n'était pas spirituel, mais animal. Et ceux qui sont dans un autre sentiment ne se rendent pas assez attentifs à ces paroles du grand docteur. Comme il y a, dit-il, un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ainsi qu'il est écrit Adam, le premier homme, a été créé avec une âme vivante. Peut-on dire qu'il soit ici question de l'âme d'Adam après le péché? Évidemment non. Car il s'agit du premier état où l'homme a été créé, et l'apôtre rapporte ce passage de la Genèse pour montrer justement ce que c'est que le corps animal. Note. Saint Augustin paraît penser à l'hérésie des Valentiniens, qui prétendaient que le corps de Jésus-Christ n'était pas un corps humain, mais un corps spirituel et céleste. Voyez le livre de Saint Augustin, des hérésies, extrait. Les Valentiniens, Valentin, leur chef, avaient imaginé une foule de fables sur la nature des choses, entre autres, 31 sous-siècles. Le principe de tous les éons c'était le silence et la profondeur, à laquelle il donnait le nom de père. De tous les deux, comme de deux époux, étaient nés l'esprit et la vérité, qui, avaient produit 8 éons en l'honneur de leur père. L'esprit et la vérité avaient, de même, deux enfants, la parole et la vie, qui avaient, à leur tour, engendré 10 éons. Puis, la parole et la vie avaient mis au monde l'homme et l'Église, qui avaient eux-mêmes enfanté 12 éons. D'où résultaient 31, qui avaient, comme nous l'avons fait remarquer, pour premier principe, la profondeur et le silence. Le Christ, envoyé par le Père, c'est-à-dire, par la profondeur, n'avait apporté en ce monde qu'un corps spirituel et céleste. La Vierge Marie ne lui avait rien donné de sa substance. Elle avait été, pour lui, comme un canal ou un vaisseau, où il était passé, sans y rien prendre de charnel. La résurrection de la chair n'aura jamais lieu. L'esprit et l'âme de l'homme ne parviendront au salut que par les mérites de Jésus-Christ. Chapitre 24. Comment il faut entendre ce souffle de Dieu dont parle l'Écriture, et qui donne à l'homme une âme vivante, et cet autre souffle que Jésus-Christ exhale en disant, « Recevez l'Esprit Saint ». Quelques-uns se sont persuadés avec assez peu de raison que le passage de la Genèse où on lit, « Dieu souffla contre la face d'Adam un esprit de vie », et l'homme fut créé âme vivante, Genèse 2, 7, ne doit pas s'entendre de Dieu donnant au premier homme une âme, mais de Dieu ne faisant que vivifier par le Saint-Esprit celle que l'homme avait déjà. Ce qui les porte à interpréter ainsi l'Écriture, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, souffla sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit, Jean 20, 22. D'où il conclut que, puisque la même chose se passa dans la création de l'homme, le même effet s'ensuivit aussi. Comme si l'évangéliste, après avoir parlé du souffle de Jésus sur ses disciples, avait ajouté, ainsi que fait Moïse, qu'il devint rame vivante. Mais quand il l'aurait ajouté, cela ne signifierait autre chose, sinon que l'Esprit de Dieu est en quelque façon la vie de l'âme, et que sans lui elle est morte, quoique l'homme reste vivant. Mais rien de semblable n'eut lieu au moment de la création de l'homme, ainsi que le prouvent ces paroles de la Genèse. Dieu créa, forma vite, l'homme poussière de la terre, ce que certains interprètes croient rendre plus clair en traduisant. Dieu composa, finxit, l'homme du limon de la terre, parce qu'il est écrit au verset précédent. Or, une fontaine s'élevait de la terre et en arrosait toute la surface, Genèse 2, 7. Ce qui engendrait, suivant eux, ce limon dont l'homme fut formé. Et c'est immédiatement après que l'Écriture ajoute « Dieu créa l'homme poussière de la terre », comme le portent les exemplaires grecs sur lesquels l'Écriture a été traduite en latin. Au surplus, que l'on rende par forma vite ou par finxit le mot grec « plazène », peu importe à la question, finxit est le mot propre. Et c'est la crainte de l'équivoque qui a décidé ceux qui ont préféré forma vite, l'usage donnant à l'expression finxit le sens de fiction mensongère. C'est donc cet homme ainsi fait de la poussière de la terre ou du limon, c'est-à-dire d'une poussière trempée d'eau, dont saint Paul dit qu'il devint un corps animal, lorsqu'il reçut l'âme, et l'homme devint âme vivante. Entendez que cette poussière ainsi pétrie devint une âme vivante. Mais, disent-ils, il avait déjà une âme. Autrement on ne l'appellerait pas homme, l'homme n'étant pas le corps seul ou l'âme seule, mais le composé des deux. Il est vrai que l'âme, non plus que le corps, n'est pas l'homme entier, mais l'âme en est la plus noble partie. Quand elles sont unies ensemble, elles prennent le nom d'homme, qu'elles ne quittent pas néanmoins après leur séparation. Ne disons-nous pas tous les jours, cet homme est mort, et maintenant il est dans la paix ou dans les supplices, bien que cela ne se puisse dire que de l'âme seule. Ou, cet homme a été enterré en tel ou tel lieu, quoique cela ne se puisse entendre que du corps seul. Diront-ils que ce n'est pas la façon de parler de l'Écriture? Mais elle ne fait point difficulté d'appeler homme, l'une ou l'autre de ces deux parties, lors même qu'elles sont unies, et de dire que l'âme est l'homme intérieur et le corps l'homme extérieur. 2 Corinthiens 4, 16, comme si c'était deux hommes, bien qu'en effet ce n'en soit qu'un. Aussi bien il faut entendre dans quel sens l'Écriture dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, et dans quel sens elle l'appelle terre et dit qu'il retournera en terre. La première parole s'entend de l'âme raisonnable, telle que Dieu la créa par son souffle dans l'homme, c'est-à-dire dans le corps de l'homme, et la seconde s'entend du corps, telle que Dieu le forma de la poussière. Et à qui l'âme fut donnée pour en faire un corps animal, c'est-à-dire un homme ayant une âme vivante. C'est pourquoi, quand notre Seigneur souffla sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit », il voulait nous apprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit du Père, mais encore l'Esprit du Fils unique, attendu que le même Esprit est l'Esprit du Père et du Fils, formant avec tous deux la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui n'est pas créature, mais créateur. En effet, ce souffle corporel qui sortit de la bouche de Jésus-Christ n'était point la substance ou la nature du Saint-Esprit, mais plutôt, je le répète, un signe pour nous faire entendre que le Saint-Esprit est commun au Père et au Fils. Car ils n'en ont pas chacun un, et il n'y en a qu'un pour deux. Or, ce Saint-Esprit est toujours dans l'Écriture appelé en grec pneuma, souffle, esprit, ainsi que notre Seigneur l'appelle ici, Lorsque l'exprimant par le souffle de sa bouche, il le donne à ses disciples. Et je ne me souviens point qu'il y soit appelé autrement, au lieu que dans le passage de la Genèse, où il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et qu'il souffla contre sa face un esprit de vie. Le grec ne porte pas pneuma, mais pneuè, souffle, vent, terme dont l'écriture se sert plus souvent pour désigner la créature que le créateur. D'où vient que quelques interprètes, pour marquer la différence, ont mieux aimé le rendre par le mot souffle, que par celui d'esprit. Il se trouve employé de la sorte dans Isaïe, où Dieu dit, j'ai fait tout souffle, 70, Isaïe 57, 16, c'est-à-dire toute âme. Les interprètes donc expliquent quelquefois, il est vrai, ce dernier mot par souffle, ou par esprit, ou par inspiration ou aspiration, ou même par âme, mais jamais ils ne traduisent l'autre que par esprit, soit celui de l'homme dont l'apôtre dit, quel est celui des hommes qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit même de l'homme qui est en lui, 1 Corinthiens 2, 11, soit celui de la bête, comme quand Salomon dit, qui sait si l'esprit de l'homme monte en haut dans le ciel, et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre. Ecclésiaste 3:21, soit même cet esprit corporel qu'on nomme aussi vent, comme dans le psalmiste, le feu, la grêle, la neige, la glace, l'esprit de tempête, psaume 148:8, soit enfin l'esprit créateur, tel que celui dont notre Seigneur dit dans l'Évangile, en l'exprimant par son souffle, recevez le Saint-Esprit. Et ailleurs, allez, baptisez toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19, parole qui déclare clairement et excellemment la très sainte Trinité, et encore, Dieu est Esprit, Jean 4, 24, et en beaucoup d'autres endroits de l'Écriture. Dans tous ces passages, le grec ne porte point le mot équivalent à souffle, mais bien celui qui ne peut se rendre que par esprit. Ainsi, alors même que dans un endroit de la Genèse où il est dit que Dieu souffla contre la face de l'homme un esprit de vie, il y aurait dans le grec pneuma et non pneuè. Il ne s'ensuivrait pas pour cela que nous fussions obligés d'entendre l'esprit créateur, puisque, comme nous avons dit, l'Écriture ne se sert pas seulement du premier de ces mots pour le Créateur, mais aussi pour la créature. Mais, réplique-t-il, elle ne dirait pas esprit de vie, si elle ne voulait marquer le Saint-Esprit, ni âme vivante, si elle n'entendait la vie de l'âme qui lui est communiquée par le don de l'Esprit de Dieu, puisque, l'âme vivant d'une vie qui lui est propre, il n'était pas besoin d'ajouter vivante, si l'Écriture n'eût voulu signifier cette vie qui lui est donnée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce à dire? Et raisonner ainsi, n'est-ce pas s'attacher avec ardeur à ses propres pensées au lieu de se rendre attentif au sens de l'Écriture? Sans aller bien loin, qu'y avait-il de plus aisé que de lire ce qui est écrit un peu auparavant au même livre de la Genèse? Que la terre produise des âmes vivantes, Genèse 1, 24, quand tous les animaux de la terre furent créés. Et quelques lignes après, mais toujours au même livre, tout ce qui a esprit de vie et tout homme habitant la terre périt, Genèse 7, 22, pour dire que tout ce qui vivait sur la terre périt par le déluge. Puis donc que nous trouvons une âme vivante et un esprit de vie, même dans les bêtes, selon la façon de parler de l'Écriture, et qu'au lieu même où elle dit « toutes les choses qui ont un esprit de vie », le grec ne porte pas pneuma, mais pneuè, que ne disons-nous aussi ? Où est la nécessité de dire vivante, l'âme ne pouvant être, si elle ne vit, et d'ajouter de vie, après avoir dit esprit. Cela nous fait donc voir que lorsque l'Écriture a usé de ces mêmes termes en parlant de l'homme, elle ne s'est point éloignée de son langage ordinaire. Mais elle a voulu que l'on entendît par là le principe du sentiment dans les animaux ou les corps animés. Et dans la formation de l'homme, n'oublions pas encore que l'Écriture reste fidèle à son langage habituel, quand elle nous enseigne qu'en recevant l'âme raisonnable, non pas émanée de la terre ou des eaux, comme l'âme des créatures charnelles, mais créée par le souffle de Dieu, l'homme n'en est pas moins destiné à vivre dans un corps animal, où réside une âme vivante, comme ces animaux dont l'Écriture a dit « que la terre produise toute âme vivante ». Et quand elle dit également qu'ils ont l'esprit de vie, le grec portant toujours « pneuma » et non « pneuma », ce n'est assurément pas le Saint-Esprit, mais bien l'âme vivante qui est désignée par cette expression. Le souffle de Dieu, disent-ils encore, est sorti de sa bouche, de sorte que si nous croyons que c'est l'âme, il s'ensuivra que nous serons obligés aussi d'avouer qu'elle est consubstantielle et égale à cette sagesse qui a dit « Je suis sorti de la bouche du Très-Haut » Ecclésiaste 24, 5. Mais la sagesse ne dit pas qu'elle est le souffle de Dieu, mais qu'elle est sortie de sa bouche. Or, de même que nous pouvons former un souffle, non de notre âme, qui nous fait homme, mais de l'air qui nous entoure et que nous respirons, ainsi Dieu, qui est tout-puissant, a pu très bien aussi en former un, non de sa nature, ni d'aucune chose créée, mais du néant, et le mettre dans le corps de l'homme. D'ailleurs, afin que ces habiles personnes qui se mêlent de parler de l'Écriture et n'en étudient pas le langage, apprennent qu'elle ne fait pas sortir de la bouche de Dieu seulement ce qui est de même nature que lui, qu'elles écoutent ce que Dieu y dit. Tu es tiède, tu n'es ni froid ni chaud. C'est pourquoi je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3:16. Il ne faut donc plus résister aux paroles expresses de l'apôtre, lorsque distinguant le corps animal du corps spirituel, c'est-à-dire celui que nous avons maintenant de celui que nous aurons un jour, il dit « Le corps est semé animal, et il ressuscitera spirituel ». Comme il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, ainsi qu'il est écrit « Adam ». Le premier homme a été créé avec une âme vivante, et le second Adam a été rempli d'un esprit vivifiant. Mais ce n'est pas le corps spirituel qui a été formé le premier, c'est le corps animal, et ensuite le spirituel. Le premier homme est le terrestre formé de la terre, et le second homme est le céleste descendu du ciel. Comme le premier homme a été terrestre, ses enfants sont aussi terrestres, et comme le second homme est céleste, ses enfants sont aussi célestes. De la même manière donc que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, portons aussi l'image de l'homme céleste. 1 Corinthiens 15:44 à 49. Ainsi le corps animal, dans lequel l'apôtre dit que fut créé le premier homme, n'était pas composé de telle façon qu'il ne pût mourir, mais de telle façon qu'il ne fût point mort si l'homme n'eût péché. Le corps qui sera spirituel, parce que l'esprit le vivifiera, ne pourra mourir, non plus que l'âme, qui, bien qu'elle meure en quelque façon en se séparant de Dieu, conserve néanmoins toujours une vie qui lui est propre. Il en est de même des mauvais anges qui, pour être séparés de Dieu, ne laissent pas de vivre et de sentir, parce qu'ils ont été créés immortels, tellement que la seconde mort même où ils seront précipités après le dernier jugement ne leur ôtera pas la vie, puisqu'elle leur fera souffrir de cruelles douleurs. mais les hommes qui appartiennent à la grâce et qui seront associés aux saints anges dans la béatitude seront revêtus de corps spirituels, de manière à ce qu'ils ne pécheront ni ne mourront plus. Reste une question qui doit être discutée, avec l'aide de Dieu, résolue, c'est de savoir comment les premiers hommes auraient pu engendrer des enfants s'ils n'eussent point péché, puisque nous disons que les mouvements de la concupiscence sont des suites du péché. Mais il faut finir ce livre, et d'ailleurs la question demande à être traitée avec quelque étendue, il vaut donc mieux la remettre au livre suivant. Markendanarchive.org 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.